Chapitre 4. Philibert de Montmaillan salua M. de Carlepont et le regarda bien en face, comme si elle ne l'avait jamais vu. Aucun trouble sur son visage, aucune rougeur, pas même l'apparence de la surprise ou l'ombre de la curiosité. Elle ôta son chapeau, ses gants, posa son album, prit un siège qu'elle poussa vers l'une des fenêtres et s'assit. L'animation de la marche avait coloré son teint légèrement. Ses cheveux étaient un peu soulevés autour des tempes et sur son front, un air de vie éclairait son visage, mais rien n'en diminuait l'immobilité en quelque sorte intérieure. Elle croisa ses mains sur ses genoux et tourna les yeux vers la plaine boisée qui s'étendait devant le château. Il était clair qu'elle ne regardait rien. Peu à peu, le frais coloré de ses joues s'effaça. Le mouvement de sa poitrine devint plus lent et plus régulier, et bientôt après, elle resta perdue à demi dans l'ombre du rideau, immobile et muette comme une statue. « C'est absolument comme si je n'existais pas », pensa de Réchef M. de Carlepont. Un enfant qui portait un instrument de musique sur le dos vint à passer dans la cour. Il marchait d'un pas craintif, comme un pauvre être qui a peur de se heurter contre des visages durs et des paroles hostiles. Il aperçut Mademoiselle de Montmaillan derrière la vitre et lui tendit son bonnet timidement. Philibert ouvrit la fenêtre d'une main paresseuse et versa dans ce bonnet quelques pièces de monnaie. « Chère âme !» murmura la mère qui leva les yeux au ciel. Monsieur de Carlepont fronça les sourcils. L'expression lui paraissait tout à la fois bête et prétentieuse. Déjà, Mademoiselle de Montmaillan fermait la fenêtre lorsque le petit mendiant saisit son instrument d'une main animée par la reconnaissance et se mit à tourner la manivelle. Philibert se pencha vivement sur l'appui de la fenêtre et d'un geste brusque, lui faisant signe de s'éloigner. « Ah, la musique, c'est trop !» dit-elle à demi-voix. L'enfant qui riait devint sérieux. L'instrument rendit un son plaintif, et son pauvre maître, promenant tout autour de lui un regard inquiet, se hâta de quitter la cour. Le geste et l'accent de Philibert avaient également froissé M. de Carlepont, et d'une voix où perçait un sentiment d'inexplicable hostilité. « Mademoiselle de Montmaillan a l'habitude de faire l'aumône, » dit-il. « J'ai eu, je crois, l'honneur de la saluer hier, tandis que le même soin l'occupait. » Philibert leva sur le duc des yeux tranquilles et froids, et après un silence. « C'est possible, » répondit-elle. « Ma fille est une rêveuse, » poursuit la mère. « Un crayon, un volume de poésie, le spectacle du ciel et des bois, voilà sa vie. »« La rêveuse est une sotte ou une coquette, » pensa le duc. Cependant, la glace était rompue. Le souvenir de Paris traversa l'entretien. La baronne joignit les mains et décocha un regard vers le plafond. « Ah, Paris, monsieur, Paris » dit-elle. « Que de choses dans ces deux syllabes. C'est l'existence, c'est la vie. C'est là que l'intelligence et le cœur trouvent leur épanouissement. C'est là que tout commence et que tout finit. Ce n'est pas une ville, ce n'est même pas une capitale, c'est un lieu d'élection, où les esprits d'élite se rencontrent comme dans une patrie. C'est le paradis des âmes. On y respire dans un courant de pensées délicates et hardies. Il semble que l'humanité y tienne ses grandes assises et les choses vulgaires même s'y revêtent de je ne sais quelle grandeur et quelle poésie qu'on ne retrouve point ailleurs. Ah, Paris !» Elle continua sur ce ton pendant une minute ou deux, improvisant de mémoire une tirade dont M. de Carlepont connaissait tous les lieux communs. Il pensait que ses lectures profitaient à Mme de Montmaillan. Après que la nécessité de respirer eut mis un terme à cet élan de faux enthousiasme, le duc se tourna vers Philibert. « Et vous, mademoiselle » dit-il. « Oh, moi, monsieur, je n'ai pas d'opinion. Tout ressemble à tout. »« Autre chanson !» murmura le duc entre ses dents. Il comprenait déjà que les livres du guéridon n'étaient pas ouverts par les seules mains de la baronne. La conversation posait sur un terrain où les esprits peuvent se mouvoir à l'aise, et elle prit un tour plus vif. On effleura divers sujets. Monsieur de Carlepont acquit la certitude que Madame de Montmaillan et sa fille avaient de la lecture, des connaissances variées même. Seulement rien n'était classé, ordonné, en quelque sorte digéré. Les idées se heurtaient dans ses deux têtes comme des galets sur une grève. Il s'en trouvait quelquefois de juste, mais c'était le petit nombre. Quand par hasard il s'en échappait quelqu'une, cela faisait l'effet d'un rossignol qui chanterait dans une compagnie de merles. Madame de Montmaillan, qui savourait la poésie élégiaque avec délices, se mêlait aussi de philosophie. Elle avait pris rang parmi les libres penseurs. Il lui parut honnête, pour se maintenir au niveau d'un homme qui arrivait de Paris, après avoir voyagé chez les Turcs, de hasarder une opinion hardie. « Toutes les religions se valent !» dit-elle à propos d'un livre où l'auteur essayait de faire une philosophie neuve avec des idées vieilles. « Ah, diable !» fit le duc. Et il regarda Philiberte d'un air triste. « Question de morale !» ajouta Madame de Montmaillan, charmée de l'effet qu'elle avait produit. « Certainement. Et de l'attitude aussi, » répliqua lestement Monsieur de Carlepont. « J'ai rencontré du côté de Bornéo une petite religion qui m'a donné fort à réfléchir. Ceux qui la pratiquent ont au moins 14 femmes. Cela m'a paru commode, dans un pays où l'on est vêtu de coquillages. » La baronne sourit et agita son éventail. Mademoiselle de Montmaillan enveloppa le duc d'un coup d'œil sérieux et vif. Mais ne laissant pas cette causerie le temps de reprendre son cours, M. de Carlepont demanda s'il n'aurait pas l'honneur d'être présenté à M. le baron. Madame de Montmaillan dégagea les plis de sa robe d'une main négligente. « Sais-tu où est ton père, mon enfant ? » dit-elle à Philiberte. « Non, ma mère, » répondit celle-ci. On s'informa auprès d'un domestique. « Monsieur le baron pêchait à la ligne. » Madame la baronne eut un léger mouvement d'épaule. « Je vous demande pardon, monsieur le duc, » reprit-elle. « Mon mari croit que ça l'amuse. » Au moment où monsieur de Carlepont se retirait, Madame de Montmaillan le pria de revenir bientôt à Bray. On y dînait tous les dimanches en petit comité. Il y avait quelques amis et le curé. « C'est une concession que nous faisons à la province, » ajouta-t-elle. « Mais je ne suis pas seul. J'ai un ami au rocher, » répondit le duc, « et monsieur de Bléret n'a que moi. « Amenez-le, » ajouta Madame de Montmaillan. Ce fut peut-être le seul mot qui fut dit simplement pendant cette première entrevue. La baronne s'empressa de le gâter. « Vous nous ferez croire que nous ne sommes plus dans une thébaïde, » ajouta-t-elle. Monsieur de Carlepont reprit le chemin du rocher, un peu désenchanté. Il ne savait pas trop s'il pousserait plus loin les relations nouées avec les châtelaines de Bray. Il avait, malgré le décousu de sa vie, conservé un sentiment juste et net des choses et tout lui paraissait faux dans cette maison, le langage aussi bien que la livrée, les idées comme la toilette. Rien n'était en harmonie. On y sentait la prétention et la vanité, avec un mélange irritant de poésie menteuse et de sotte philosophie. Mademoiselle de Montmaillan en particulier lui semblait faite pour agacer les nerfs de tout homme d'un sens droit. Peut-être était-ce parce qu'il ne l'avait plus étudiée. Point de naturel dans cette froideur compassée qui n'était pas de la réserve et où l'on surprenait une nuance de dédain. Cependant, quelques mots tombés de ses lèvres revenaient à la pensée de M. de Carlepont. Ils indiquaient plus que de l'esprit. C'était comme de vives lueurs jetées sur des profondeurs où la méditation seule peut atteindre. Venait-il du hasard ou de la réflexion ? En même temps qu'il se souvenait de ces mots, le duc se rappelait certaines expressions, des tournures de phrases, des réticences, qui prouvaient également ou un désenchantement sans limite ou le goût des paradoxes. Il ne s'étonnait plus de l'analogie qu'il avait remarquée entre le visage de cette jeune fille, qui faisait dédaigneusement l'aumône à des bohémiens, et ces figures de porphyre fatidique que la vieille Égypte nous a léguées. Il avait un problème devant les yeux. Mais M. de Carlepont s'était-il réfugié à la campagne pour pénétrer les secrets d'un sphinx ? Il est vrai que ce sphinx avait 25 ans, des yeux superbes, et une beauté qui pouvait ne pas plaire, mais qui était bien à lui. « Bon, que m'importe, je ne retournerai pas à Bray, » s'écria le duc. Et appliquant un vigoureux coup de cravache à son cheval, il poussa au grand galop du côté du rocher. 2 jours s'écoulèrent durant lesquels il ne parla pas à M. de Bléret de sa visite au château de Bray. Le dimanche vint, il plut toute la matinée. Vers midi, le temps se mit au beau. M. de Carlepont donna tout à coup l'ordre d'atteler, et prenant son hôte sous le bras, il le fit monter en voiture. « C'est une escapade, lui dit-il, nous allons dîner chez des voisins. » Le duc se montra fort gai pendant la route. On arriva à Bray. Ce même désordre, cette même incurie qui avait frappé M. de Carlepont fut remarquée par M. de Bléret. Une vieille calèche couverte de boue et de poussière montrait dans un coin sa caisse éraillée. Des bûches, des fagots traînaient partout. Une girouette cassée criait au sommet du toit. « Je serais bien étonné si je me plaisais dans cette maison, » murmura M. de Bléret. Le cocher de M. de Carlepont jetait çà et là des regards de détresse et ne savait où remiser sa voiture et ses 2 chevaux tout fumants. Un homme vêtu d'une grande veste à poche tout trempie d'outils parut à l'angle d'un bâtiment Il interpella un valet qui passait, sa jaquette sous le bras. « Pourquoi, dit-il, n'a-t-on pas mis un peu d'ordre dans la cour ?» Le valet réprima un geste d'impatience. « Madame n'a rien commandé, » répondit-il en s'éloignant. L'homme à la veste aperçut M. de Carlepon et la voiture qui tournait devant le perron. Il mit le chapeau à la main et s'approcha d'un air de grande politesse. « J'ai affaire sans doute à notre voisin, M. le duc de Carlepon, » dit-il. « Ma femme, Madame de Montmaillan, sera bien charmée de vous revoir. » Le son d'un piano se fit entendre. Le torrent de trilles et d'arpèges qui s'échappait en ondes sonores par les fenêtres témoignait d'une main aguerrie. Un grand morceau faisait explosion. « Hé hé !» pensa le duc. « Je ne croyais pas cet instrument si meurtrier. » Il se tournait déjà du côté de M. de Bléré comme pour implorer sa miséricorde, lorsque ses regards tombèrent sur le visage de M. de Montmaillan. Une sorte d'extase l'illuminait. Il écoutait, la tête penchée en avant, les mains ouvertes, les lèvres attendries et frémissantes. « C'est ma fille, » dit-il d'une voix émue. « Ah, le brave homme !» murmura M. de Bléré à l'oreille de M. de Carlepon. En ce moment, Madame de Montmaillan se montra sur le perron dans tout l'éclat d'une toilette printanière. Des rubans bleus voltigeaient autour de sa taille et de son corsage. L'air de bonheur qui transfigurait le baron s'effaça, et d'un geste doux, montrant la porte du salon. « Ces dames vous attendaient, messieurs, » reprit-il. « J'irai conduire vos gens et vos chevaux ici près. » Quand le duc et son compagnon entrèrent dans le salon, le piano ne chantait plus. Mademoiselle de Montmaillan, tout en noir, avec des ornements de jais dans les cheveux, aux poignets et au cou, avait une beauté sculpturale qui frappa M. de Bléré. Elle salua les deux visiteurs, traversa le salon lentement et sortit. Les mélusines des légendes ne pouvaient être ni plus séduisantes ni plus pâles. M. de Bléré regarda M. de Carlepon et se penchant à son oreille d'un air négligent. « Peste ! Voilà une voisine dont vous ne m'aviez pas parlé. » Quelques personnes parurent tour à tour. Madame de Montmaillan leur présenta M. le duc de Carlepon et M. le comte de Bléré d'un air de satisfaction familière. Ces nouveaux venus appartenaient à l'administration locale et tenaient rang parmi les notables du canton. Deux ou trois femmes les accompagnaient. Madame de Montmaillan parla du bois de Boulogne, de l'opéra, des Italiens, des chanteurs en vogue et du dernier roman. « Vous me faites illusion, » dit-elle au duc. « En vous écoutant, je me crois à Paris. » C'est une résurrection. M. de Carlepon sourit. Il n'avait pas dit quatre mots. Mais c'était un des privilèges de Madame de Montmaillan de croire qu'elle écoutait quand elle parlait. Lorsque M. de Montmaillan rentra, il portait un habit noir et une cravate blanche. Il avait tout à fait le visage et les manières d'un homme du monde, mais il glissait plus qu'il ne marchait et cherchait les petits coins. Il ne tenait pas plus de place qu'un tabouret, ne faisait pas plus de bruit qu'un portrait. Cependant, il osa faire quelques pas au-devant de sa fille, qui venait tout à coup de pousser une porte latérale cachée dans la boiserie. Dans son geste, quand il lui offrit le bras pour la conduire auprès de la cheminée, le maître de maison reparut tout à coup. Le regard dont il l'enveloppait était celui du père le plus tendre. Un sourire intelligent animait ses traits. Philiberte, assise au milieu du cercle, tout s'effaça. Et M. de Montmaillan disparut dans l'encoignure d'une fenêtre. M. de Bléré, qui n'avait rien perdu de cette petite scène, poussa du coude son ami. « À vous, mon cher duc, mademoiselle de Montmaillan, dit-il, à moi le père. » Le dîner fut bruyant. Madame de Montmaillan prit son grand vol. Elle parla des effluves de l'âme et des lois imprescriptibles du cœur, terrassa l'égoïsme du siècle qui a fait divorce avec l'amour et la poésie, avança quelques théories sur la liberté des cultes, fronde à la tyrannie du code qui met la femme en tutelle, et commença par Mademoiselle de Lavallière une tirade qui se termina par le banquet des Girondins. Le hasard nouait les transitions. Philiberte glissa quelques mots dans cette improvisation fougueuse, comme une fontaine mêle timidement son onde au torrent qui passe. Mais au milieu des fusées prétentieuses, des critiques paradoxales et des rapprochements bizarres qui s'enchevêtraient dans la conversation, quelques frissons lui venait subitement au visage, quelques accents vrais partaient de ses lèvres qui faisaient tressaillir M. de Carlepon. La note était juste et la parole sincère. On pouvait croire un instant qu'une blessure saignait au fond de cette poitrine si peu émue en apparence, puis tout disparaissait. Le regard timide et voilé de M. de Montmaillan se promenait autour de la table. Quelquefois il soupirait, mais à demi, comme s'il eût craint que l'expression d'une tristesse intérieure ne fût remarquée et interprétée. Au dessert, et tandis que Madame de Montmeillan tirait en faveur de l'émancipation des femmes un feu d'artifice dont toutes les étincelles étaient connues, le nom d'un capitaine de frégate qui voyageait dans le golfe du Mexique fut prononcé par l'un des convives. La blancheur de Philiberte devint subitement couleur de neige. Elle prit sur la table un verre d'eau et en but une gorgée. Le cristal tinta contre ses dents. « Ah, le sphinx vient de laisser tomber un coin de son voile !» pensa le duc. Ses yeux et ceux de Philiberte se rencontrèrent. Elle détourna la tête lentement, se leva bientôt après, traversa le salon et sortit. « Eh bien, qu'en pensez-vous » dit M. de Carlepont à M. de Bléré, lorsqu'une heure ou deux après, la voiture, emportée par l'élan de deux chevaux qui flairaient la litière fraîche, roulait dans les avenues profondes du bois. « Je pense, répondit le Breton, que Madame de Montmeillan éclabousse trop. Ce n'est pas une femme, c'est un tourbillon. Elle a résolu en 5 minutes 3 questions de l'ordre politique et social devant lesquelles les philosophes et les législateurs pâlissent depuis 4 siècles. Et tranchait presque aussitôt une question de mode que les oracles du goût discutent encore à Paris. Elle a de l'esprit. Oui, comme les pivers qui tuent un chêne pour attraper un puceron ont de l'économie. Et le baron? Ah, le pauvre cher homme, c'est le meilleur de la maison et le seul qui vaille mieux que son enveloppe. Monsieur de Montmeillan a du sens et du savoir, mais à la façon de ces sources cachées qui ne versent l'euro que si on les perce à coups de sonde. On n'en découvrirait rien si on ne le pressait de questions. La sympathie le réchauffe. Il reçoit les témoignages avec une sorte d'étonnement craintif qui m'a touché. Quand il est bien convaincu qu'on ne cherche pas à se moquer de lui, quelque chose de bon sort de son cœur, comme on voit un lézard s'échapper d'un mur en ruine au premier souffle de l'été. C'est un homme découragé, presque éteint. Pourquoi ? Belle question. Il a sa femme. Et Mademoiselle de Montmeillan, qu'en dites-vous ? M. de Bléré posa la main sur le bras de M. de Carlepont. « J'ai idée, mon ami, que vous rentrez dans le grand chemin des folies, » reprit-il. « Je ne me fie pas à ces grands yeux impassibles qui ne laissent rien deviner de ce qui se passe au fond du cœur. On dirait des murs devant un caveau. Je ne l'ai pas beaucoup écouté, tandis qu'elle donnait la réplique à sa mère. Mais dans le peu que j'ai entendu, il m'a paru que Mademoiselle de Montmeillan avait le don de l'absurde, la vocation du faux, et une tendance amicale vers l'exagéré. Secours, mais précis. Vous n'en êtes pas encore, j'imagine, à être offensé de mon jugement. Oh non. Je ne sais pas. Cependant, je me risque, et en témoignage de ma vieille amitié, j'ajouterai un dernier mot. Monsieur le duc, vous la regardez trop. Monsieur de Carlepont lança une spirale de fumée dans l'air humide de la nuit, secoua la cendre de son cigare et sourit. Ne riez pas, poursuit le Breton. Il y a dans les prunelles luisantes et sévères de Philiberte, ces prunelles qui ont l'éclat dur et froid de l'émail, une profondeur mystérieuse qui a la fascination de l'abîme. « Autant que ça, » murmura M. de Carlepont. Il fit prendre à l'entretien un autre tour et on arriva au rocher sans que le nom de Mademoiselle de Montmeillan eût été prononcé de nouveau. La famille de Montmeillan habitait le château de Bray depuis un petit nombre d'années. On assurait qu'elle avait eu de la fortune et que ce qui en restait pouvait suffire encore à une existence confortable si l'ordre en eût ménagé les revenus. Malheureusement, Madame de Montmeillan, qui avait eu des succès de salon à une époque où son babil se parait du charme de la jeunesse, ne savait pas mesurer les besoins à ses ressources et mettait sa vanité à ne jamais s'occuper de sa maison. Cela lui semblait des misères où son esprit ne devait pas descendre. Exilée à la campagne par un de ces coups du sort qui éclatent comme la foudre, elle n'avait pas trouvé en elle assez de force d'âme pour l'accepter, ni assez de prévoyance pour en diminuer les conséquences. Elle transporta les habitudes de Paris au fond de la province, ouvrit son château comme autrefois l'avait ouvert son hôtel, s'y entoura de livres frivoles, et chercha partout des distractions qui lui échappaient sans cesse. Elle réussit à grand-peine à se créer un petit cercle de relations qu'elle étonnait par son langage et qui se vengeait de son esprit par la médisance et le dénigrement. Aucune occupation. La baronne s'habillait et se déshabillait, ne sortait guère. Il y avait cet art singulier d'arriver à minuit sans pouvoir expliquer jamais quelle chose elle avait rempli les longues heures du jour. Elle disait, et c'était vrai, qu'elle cultivait l'ennui, et qu'elle traitait les accès de cette maladie par le désœuvrement. Au fond, la baronne ne se déplaisait pas dans cet ennui. Cela lui semblait une supériorité. Pendant les pluies éternelles de l'hiver, elle trompait sa solitude par des lectures multipliées faites sans discernement, mettant la même exaltation au service de chaque volume qui passait devant ses yeux. Éprise un jour de Mademoiselle Scudéry, le lendemain de Mirabeau, et reflétant les doctrines des ouvrages qu'elle dévorait aussi longtemps qu'en durait le souvenir. Les plus fausses étaient celles qui l'attiraient le plus. Un homme de sens qui la connaissait bien disait de Madame de Montmeillan que sa conversation lui faisait l'effet des chansons de Béranger fredonnées dans un boudoir de l'hôtel Rambouillet. Elle n'était pas bien sûre de croire en Dieu et levait les yeux au ciel quand on discutait une thèse sur l'amour. Au demeurant, c'était une honnête femme dans le sens étroit du mot. Élevée par une mère qui avait à 45 ans la livrée et le ramage du mois de mai, Philibert s'était trouvé sans principe et sans règle à l'âge où le cœur s'éveille et où la raison se forme. On la faisait marcher dans les précipices de la vie en la nourrissant de poésie. Le respect du devoir, l'obéissance, la discipline n'étaient pas des mots qu'elle rencontra jamais dans les enseignements de la baronne ou dans les livres épars sous sa main. En revanche, on lui parlait de l'enthousiasme, de l'exaltation, des enivrements du cœur. Dès les premiers gonflements de son jeune sein, cette éducation, la plus indélébile et la plus redoutable, celle qu'on reçoit par les oreilles, par les entretiens familiers du foyer, par l'exemple, par la discussion, par la lecture, lui donna cette pensée que l'amour, le sentiment divin, comme Madame de Montmeillan l'appelait dans son langage précieux, était la loi et le but de la vie. Hors de là, point de salut. La création tout entière tournait autour de ce centre mystérieux. Mais dans l'âme de Philiberte, mieux douée et pétrie d'une essence plus vigoureuse, cette croyance devait jeter plus de troubles que dans le cœur enfantin de la baronne, et y causer plus de ravages. La mère y voyait un sujet d'aimable conversation et de rêverie puérile. La fille s'en imprégnait fortement et cherchait dans l'amour, tel qu'on le présentait à son esprit avide, l'apaisement et la récompense de la vie. Le chef de la famille, violemment épris de Mathilde, c'est ainsi qu'il nommait encore Madame de Montmeillan, n'avait pas tardé à reconnaître le danger de cette éducation, les frivolités périlleuses de cet enseignement, dont aucun aliment sérieux ne balançait l'influence néfaste. Un temps, il espéra que la secousse qui les avait tous poussés vers la campagne apporterait la guérison. Mais ce qu'il n'avait pu obtenir dans sa maison de la rue de l'Arcade, il ne put pas l'espérer à Bray. En outre, il aimait trop pour être sévère, et cet homme, qui durant de longues années n'avait pas cessé de verser aux pieds délicats de sa femme des trésors dédaignés de tendresse et d'adoration, fut condamné à la résignation et au silence. L'isolement se fit autour de lui. Ses efforts, ses tentatives, ses luttes pour amener l'ordre dans les imaginations et la discipline dans le ménage n'apportèrent point de résultats appréciables. Il fut le propriétaire, le gérant, le caissier, la chose utile, c'est-à-dire rien. Et on le laissa consumer sa vie dans des occupations serviles, où il avait tout à la fois la crainte d'un avenir menaçant et le sentiment désespéré de son impuissance. 3 ou 4 jours après la visite qu'il avait faite au château de Bray, en compagnie de M. de Bléré, le duc y retourna, mais seul cette fois. « Pourquoi me priverais-je d'une distraction ? » se disait-il. « Suis-je un enfant pour avoir peur des abîmes et des fascinations ?» À partir de ce moment, il ne cessa pas de paraître chez Madame de Montmeillan. Il n'en revenait jamais sans une certaine lassitude d'esprit, qui lui faisait toujours croire que la visite terminée était la dernière. Puis quelque chose dont il n'était pas le maître l'y rappelait. Il en était révolté et s'y soumettait. Monsieur de Bléré chassait toujours. L'attitude de Philiberte n'était point changée. Elle n'était pas toujours à Bray lorsque Monsieur de Carlepont s'y rendait. Elle ne le recherchait ni ne l'évitait. Quelquefois, elle lui faisait de petits signes de tête au moment où il entrait dans le salon et restait à la place où elle était assise, le coude sur les genoux, le menton dans la main, les yeux perdus dans l'espace. Aucun mot ne semblait l'atteindre. C'était comme autant de feuilles mortes chassées par le vent contre la surface polie d'une vitre. Il y avait de rares intervalles durant lesquels Mademoiselle de Montmeillan causait avec une liberté d'esprit et un entrain qui la rendait charmante. Elle était jeune. Sa voix avait des notes, les accents printaniers, ses yeux, des lueurs tendres. C'étaient des éclairs. Mais après que M. de Parlepont en avait aperçu les clartés rafraîchissantes, il retournait plus lentement au rocher. Cependant, le mois de novembre approchait. Il y en avait déjà deux que M. de Bléré tirait des bécassines. Un matin, il proposa à son hôte de partir pour la Bretagne et d'y attendre l'hiver. M. de Carlepont balbutia et, pressé de suivre M. de Bléré, répondit enfin qu'il lui était impossible de quitter la roche. « Bon, répliqua le chasseur, j'ai bien peur à mon retour qu'il ne soit trop tard pour vous crier casse-cou. »